énergie. I'm the sun and the air. All the shyness that is criminally vulgar. I am sun and air. I'm nothing really in particular. Shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else of a shyness that is criminally vulgar. I am a summoner of nothing in particular. Cette semaine 98.9 énergie. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seemed to get along. Take a jumbo across the water, like to see America. I'm Salut, c'est votre gang de Ça rentre au poste. Julie Bou, ben, je vais te mettre au défi, fait que prépare pas de chronique. Au défi, attends un peu là, je peux savoir plus de détails. Tu vas en voir en plein émission. OK. Et oui, et Mario. J'ai peur. Moi, je prépare pas de sketch, je me mets au défi. Okay. Non, c'est Jachan qui va être avec nous. Ah, la fin qui arrive, les copinos, c'est que ma femme, Mumu, a décidé de louer une pièce dans la maison pour faire un Airbnb. Et ça, là. Oups, je suis pas d'accord. On manque pas ça. Demain, dès 14h55, Énergie. Toujours la même, hein? Merci, mon Robert. Merci, Mario, aussi, dans la circulation. 670-90-99. Il me disait ça tantôt. Il y a un accrochage, trois véhicules, sur Robert Bourassa à l'intersection du boulevard Le Bourgneuf, direction Québec. Donc, c'est direction sud, ça. Alors, à l'angle Robert Bourassa et boulevard Le Bourgneuf vers le sud, ça s'est accroché. Si vous arrivez proche du secteur, faites attention. Les classiques d'hiver, Énergie. Gratte l'entrée, gratte le char, puis gratte ta guite avec les classiques d'Énergie. Than me alone, for me all day. I love. laying down in a beautiful beast. I love you, no other than me alone. For me all day, I love you like angel, being down in a beauty. All over you, our love will be the song, the beat, the sky. I will reach out to over the sea, the song, the beat, the time. Lay me down. ben soyez prudents si vous êtes dans le blizzard. Hein? Comme je vous disais tantôt, c'est le mot utilisé par Environnement Canada pour son dernier bulletin météo, blizzard. C'est très venteux ce soir, la nuit prochaine, demain. OK? Soyez prudents. J'ai-tu besoin de vous dire ça? On l'est prudent. Ici Robert Roche, soyez heureux. On se reparle samedi prochain. Bye. T'as le loisir de choisir la destination. Ça, ça rentre vraiment au poste. Courez la chance de gagner un voyage d'une semaine pour deux en formule tout inclus au Club Med Cancun et Ixtapa Pacific au Mexique ou au Club Med La Caravelle en Guadeloupe. Un séjour d'une valeur de 5 000 $ offert par Club Med et Voyage Gendron. Pour participer, venez jouer au quiz « Deux gars, deux filles » dans Ça rentre au poste ce lundi dès 14h55. Restera juste à choisir avec qui vous irez. Énergie. Une alliance épique, explosive, incroyable. Ça vous intéresse? Découvrez un duo surprenant avec le tout nouveau forfait Crave RDS. Crave, c'est des séries originales et des films de chez nous. Les grands succès d'Hollywood et la seule place pour regarder HBO. Et RDS, c'est votre accès au meilleur du sport avec les plus grands tournois et événements sportifs de la planète. Le meilleur du divertissement et du sport en un seul forfait. Regardez maintenant. Des conditions s'appliquent. Détails sur crave.ca. Virgin Plus vous offre l'Internet à partir de seulement 39 $ par mois. À ce prix-là, c'est le choix évident. Tu as besoin de continuer la pub? Rendu là. Hey, 39 $ par mois pour l'Internet, je veux dire, non, mais ça se vend tout seul. Sans farce, là. Internet, 39 $ par mois. Merci, bonsoir. Faut-il retrouver ça? Parce que personne va penser d'aller sur virginplus.ca ou dans une boutique Virgin Plus. Ça me semble évident, là. C'est une pub de Virgin Plus. Puis faut dire Virgin Plus enfin. Virgin Plus. Évidemment, certaines conditions s'appliquent. Chez Cora, on sait qu'une famille qui s'entend sur tout... Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. Ça n'existe pas. Mais il y a du nouveau chez Cora. Le plat à partager. Là, tout le monde va s'entendre. Parce que tu peux choisir parmi nos omelettes, gaufres, pancakes et viandes d'accompagnement pour créer un plat qu'on te sert dans une seule et grande assiette à partager dans le plaisir et la bonne entente. Ben oui. Jusqu'au 6 avril en restaurant, à la livraison et pour emporter. Moi, je déjeune chez Cora Déjeuner et Dîner avec le nouveau plat à partager. Vous cherchez à vendre ou acheter une propriété? Avec Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital, le choix est simple. Compétent, efficace et à dimension humaine, Dom cumule plus de 10 ans d'expérience. Contactez-le maintenant au 418-456-7010. Ça, c'est une sauce à spag sur une cuisinière haut de gamme. Mmh. Et ça, c'est une sauce à spag sur une cuisinière de chez Gagnon Frères. Mmh. La différence est dans vos poches. Gagnon Frère, bien commode depuis 1904. 86 livraisons effectuées. 11 déménagements d'amis. 9 projets maison terminés. Et un autre en cours. Mesurez la capacité de votre Toundra en nombre de souvenirs. Pas seulement de kilomètres. C'est l'heure Toyota. Découvrez pourquoi le Tundra est le camion de vos rêves en passant chez votre concessionnaire Toyota du Québec ou en visitant achetezmatoyota.ca. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca. Multiconfort FP, spécialiste de la climatisation et du chauffage, est en pleine expansion et recrute actuellement 4 installateurs. Vous êtes passionné par votre métier et cherchez à propulser votre carrière? Multiconfort FP vous offre plusieurs avantages. Un salaire compétitif, des assurances collectives et un environnement de travail stimulant où chaque journée est une opportunité de s'épanouir. Faites partie d'une équipe solide et en pleine croissance en envoyant votre candidature sur multiconfortfp.ca, section carrière. Quand t'as les deux mains sur le volant, tes horizons s'ouvrent. C'est comme si tout d'un coup, tout devenait possible. Même repousser tes propres frontières pour aller au bout de tes rêves. Toi, le bout de tes rêves, ça va te mener où? Découvre-le avec la formation en transport par camion du CFTC. C'est gratuit et ça prend juste 4 mois et demi. Informe-toi aujourd'hui sur parcourirlemondeautrement.com. Embarque. Ça va te mener loin. Walmart est l'endroit numéro 1 pour économiser sur l'épicerie. Économisez 2,13 $ sur une chopine de fraises fraîches, maintenant seulement 2,84 $ chacune. C'est une économie de 42%. Walmart, économisez plus, vivez mieux. Viens voir ça! Wow! C'est le dernier modèle, ça? Ouais, je te dis que ça a de la puissance sous le capot. Hey, ça doit être rapide? Ben oui, l'Internet pure fibre de Bell, c'est le plus rapide au pays. Ben là, je peux-tu l'essayer? Juste si tu promets de bien te conduire. Passez à Bell Pure Fibre, l'Internet le plus rapide au pays selon Ookla. Obtenez Internet Fibre 500 pour seulement 75 $ par mois. Visitez bell.ca pour plus de détails et pour vérifier la disponibilité. Quand on passe à la vitesse supérieure, la vie est belle. 98.9. Vos classiques prennent vie. À Énergie. Écoutez Énergie à Québec. C'est un classique. C'est un classique. Plus de classiques. Plus de fun. 98.9. Énergie. You're ready? Ladies and gentlemen, let's go! Le week-end. Zéro compromis. Prenez votre week-end on the rock. 100%. 100% classique. Party Rock! 100% party. Party Rock! Party Rock! Énergie avec Alex Tansville. Party Rock dans la tempête ce soir. C'est le fun de même. On en attend une bonne batch. Un genre de 20 à 40 cm. Ça dépend des endroits où vous êtes, mais bon, à vos pelles, à vos tucs, à vos manteaux. Deuxième, en semaine, c'est le fun, il y a qu'un peu. Hein? On a encore des hivers au Québec. L'année passée, on se demandait. Il n'y a quasiment pas neigé l'année passée. Là, cette année, là, depuis quelques semaines, on en mange une claque, mais bon, c'est le fun, pour vrai. C'est le fun quand ton char se débrouille bien dans la neige puis que t'as pas trop à pelleter, sinon ça l'est un peu moins. Comment ça se passe sur les routes? 6-12-12 ou message vocal via l'application iHeart Radio. Soyez prudents. Moi, j'ai bien du classique pour vous aider à passer cette tempête-là. Linkin Park, ça s'en vient. Smash Mouth, Twisted Sisters aussi. Et on passe avec Why Don't You Get a Job, The Offspring. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say why don't you get a job?

lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Behind, swim out past the breaker. Via le 6-12-12, il y a Rémi qui me dit « Yes, ski de soirée, on décolle, je m'en vais à Stoneham. » C'est clair que tu vas pas manquer de neige dans le top des montagnes. Bonne soirée de ski, Rémi, puis prenez ça positif, cette tempête-là. Ça apporte des joies, l'hiver, les tempêtes comme ça, un peu. Duran Duran, c'est là que ça se passe. « Hungry Like the Wolf »,« Weezer et Heart », ça s'en vient. Your sight and can't stop breathing even closer behind. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Smell like a sound, I'm lost in the crowd, and I'm hungry like the wolves. Straddle the line, discord and rhyme. Close to hide, I'll be upon you by the moonlight side. High up like drumming on your skin, it's so tight. You feel my heat, I'm just a moment behind. Weekend on the rock. 100% classique, 100% party. Party rock, énergie. Some things you can never choose, even if you try, yeah. You're banging your head again, cause somebody won't let you in. One chance, one love, your chance to let me know. We can't go on, just running away. If we stay any longer, we will surely never get away. Anything you want, we can make it happen. Stand up and turn around. Never let them shoot us down. Never, Sense is a little whack, and my friends are just as creepy as me. I didn't go to boarding schools, preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody, got nothing in my pocket. Beverly Hills, that's where I want to be. Living in Beverly Hills, Beverly Hills, rolling like a stars, they're all so beautiful and clean. When the housemates rub the floors, they get the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Take my picture by the pool, 'cause I'm the next big thing. Beverly Hills, that's where I want to be. Stand a chance. It's something that you're born into, and I just don't belong. No, I don't. I'm just a no class beat down fool, and I will always be that way. I might as well enjoy my life and watch the stars play. Beverly Hills, that's where I want to be. Les gars de Weezer qui fêtent les 20 ans de cette tune-là cette année. Beverly Hills, c'était sur l'album Make Believe. La prochaine est un petit peu plus vieille, 1999. J'ai du Whitesnake, du Sum 41, du Aerosmith, pas loin dans le prochain montage aussi. Bon dimanche de tempête! Push me up against the wall. Young tucked girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your hill. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view.

Énergie. Tina Turner, It's Only Love. Avant ça, on avait Sum 41, Fat Lip, gros classique. C'était pas mal leur première tune à eux autres, ça. Et Sum 41 prennent leur retraite. Ça a été annoncé il y a quelques temps déjà. Ils ont fait leur dernier show au Québec dans le dernier mois là, au centre, à la Place Belle à Laval. Et ils vont faire leur dernier vrai show. À moins qu'ils fassent un retour à un moment donné. Mais c'est supposé être le dernier. Ça va se passer le 30 mars prochain et ça va être à TV. Vous allez tous pouvoir le voir. Au Juno Awards, donc on récompense la musique canadienne le 30 mars prochain et Sum 41 va s'y produire. Voici les gars de Motley Crue. Kickstart My Heart.